Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le MAG sur Radioactive, une émission quotidienne dans laquelle nous parcourons les nombreuses initiatives locales qui font l'actualité sur Amboise, Montlouis, Bléré, l'ensemble du territoire qui nous entoure. Aujourd'hui, je reçois des bénévoles engagés, des bénévoles qui œuvrent pour une honorable cause humanitaire, soutenir la scolarisation et l'accès à un métier pour les enfants du Cambodge. C'est au sein de l'ONG Pour un sourire d'enfant que Pia et Jean-Luc Fauconnier se sont investis depuis quasiment la création d'ailleurs de cette association. Et ils vous invitent chez eux les 28 et 29 septembre au 12 rue du Vaud-de-Bonin à Amboise, dans leur propriété disposant d'un grand parc et d'une grande grange retapés par leurs soins pour accueillir le public. Alors les 28 et 29 septembre, ce sera la compagnie des Toupies qui présentera deux spectacles. La compagnie des Toupies, une troupe dont la volonté est de permettre l'accès à la culture pour les plus défavorisés. Bonjour Pia, bonjour Jean-Luc. Bonjour Marlène. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et nous, ravis de venir vous rencontrer. Alors, lorsque nous avons échangé pour préparer cette émission ensemble, vous m'avez, Pia, envoyé un lien YouTube en me disant qu'en l'espace de 7 minutes, cette vidéo allait m'éclairer sur ce qui a motivé la création de l'association Pour un sourire d'enfant, mais aussi ce que l'association a réalisé depuis. Cette vidéo, elle est absolument bouleversante. Il faut l'expliquer à nos auditeurs, on y voit l'horreur. Nous sommes en 1992 dans une décharge située dans la banlieue de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. On y découvre des centaines d'enfants pieds nus vivant au milieu des montagnes d'immondices. On ne peut clairement pas rester insensible à ces images, bien entendu. C'est d'une dureté qui, évidemment, ne peut que révolter. Mais on y voit aussi l'espoir renaître quand un couple de jeunes retraités décide d'agir. Alors, pour bien comprendre, ce que je vous propose, Pia et Jean-Luc, c'est qu'on écoute cette présentation de l'ONG Pour un sourire d'enfant. Et ensuite, vous nous parlerez de ce que vous mettez en place à l'échelon local pour récolter des fonds. Ça vous va comme ça ? Ça nous va tout à fait, oui. Je pense même qu'on peut inviter les auditeurs à aller voir les images qui se trouvent sur YouTube une fois qu'ils auront entendu la bande-son que vous allez... Voilà, avec les images, c'est encore une autre dimension, tout à fait. Eh bien, on écoute. Pour un sourire d'enfant est né au Cambodge en 1995. À cette époque, le pays sortait de 25 années de guerre et surtout de cette terrible période Khmer Rouge qui en avait fait un des pays les plus pauvres au monde, où tout était démoli, la société, les structures, les valeurs, et qui, en endoctrinant les enfants d'alors dans des camps spéciaux où on apprenait à tuer, à dénoncer, à torturer, avait fait de beaucoup de papas d'aujourd'hui des êtres extrêmement violents dont étaient victimes les enfants. C'est notre découverte en novembre 1995 de la décharge de Phnom Penh qui avait provoqué la création de l'association. Là, dans un décor horrible, une odeur épouvantable, une chaleur étouffante, au milieu des mouches et des rats, des centaines d'enfants pieds nus fouillaient une espèce de bouillie décomposée, pleine de verre et dans laquelle on enfonçait jusqu'au mollet. Il fallait voir leur allure, leur crasse, leur maigreur, les plaies purulentes, les regards épuisés. Et puis le pire, on apercevait des enfants qui mangeaient dans cette infection. C'était horrible à voir. On restait là comme paralysés. On ne pensait pas que ça pouvait exister. Cela donnait envie de pleurer, de vomir. Et puis comme une rage, la certitude profonde qu'on ne pouvait pas laisser les enfants dans ces conditions. Qu'on ne devait pas les laisser et qu'à partir de ce moment, notre vie allait changer. Alors en commençant à parler avec les enfants, nous apprenions qu'ils étaient en plus victimes de maltraitances inouïes, qu'ils en mouraient sur cette décharge, de maladies, de violences, écrasées par le bulldozer qui étale les ordures. Il fallait faire vite. Avec nos économies, nous avons d'abord organisé une distribution de repas, directement sur la décharge, pour les enfants affamés. Mais il y en avait tellement que cette distribution était terrible pour ceux qui n'en bénéficiaient pas, et nous nous sommes vite aperçus que cela nous dépassait tous les deux. Fin 1995, nous partions en France pour alerter nos familles, nos amis, qui se rendant compte de l'urgence, se sont tous mobilisés. Début 1996, nous revenions avec de quoi commencer un petit programme. Pour un sourire d'enfant était né. Commença alors une course incroyable pour sauver ces enfants. Il fallait d'abord les nourrir et les soigner. Et pour cela, nous avons construit une paillote à côté de la décharge pour distribuer un repas tous les matins et faire les premiers soins. Puis il fallait les sortir le plus vite possible de cette décharge, les scolariser. Mais pour cela, les mamans étaient si pauvres qu'il fallait leur donner le manque à gagner du travail de leurs enfants. De son côté, l'enseignement public, complètement détruit lui aussi, ne convenait pas pour beaucoup de ses enfants, qui n'étaient jamais allés à l'école et qui avaient des retards considérables. Alors nous avons cherché un terrain du côté de la décharge, où nous pourrions construire des bâtiments tout simples. Puis nous avons embauché nos premiers instituteurs cambodgiens. C'était le début de notre centre de rattrapage scolaire où les enfants font 2 niveaux par an. Dans la même année, nous recevions d'abord 10 enfants, puis 40, 60, 120. En 1997, c'était 250 enfants qui rentraient dans le centre. Nous n'étions pas menés par l'idée de grandir, mais par l'obligation de répondre aux plus grandes urgences, de ne pas laisser un enfant en danger de mort, de considérer chaque enfant comme le nôtre. Alors la course a continué. Il restait tellement d'enfants en détresse. Peu à peu, l'action de PSE s'est étendue à d'autres enfants en danger. Petits vendeurs de rue, mendiants, maltraités, abandonnés, etc. Il a fallu construire des classes, des toilettes, des infirmeries. En plus de la scolarisation, les programmes se créaient à mesure des besoins. Garderie pour que les mamans puissent travailler, classe maternelle, soutien psychologique pour les enfants traumatisés, programme pour les enfants handicapés ou avec un retard mental, centre de nutrition pour les bébés malnutris, hébergement pour la protection des enfants les plus maltraités, etc. La tournée annuelle de 3 mois en France puis dans d'autres pays d'Europe devenait traditionnelle. La mobilisation s'étendait et il se créait tout un réseau d'antennes de soutien. Mais nous nous apercevions alors que la scolarité ne suffisait pas, que certains enfants, même avec le brevet, ne trouvaient pas de travail et retournaient sur la décharge. Il fallait créer des formations professionnelles qui n'existaient pas dans le pays. Secrétariat, école hôtelière, bâtiment, mécanique, coiffure, jardinage, assistante maternelle, employée de maison, école de commerce, etc. Et pour être sûr que les jeunes trouveraient du travail à la sortie, nous voulions la meilleure école pour les plus pauvres. Alors pour chaque formation, nous avions le soutien d'une grande référence européenne pour en assurer la qualité. Par exemple, l'école de Lausanne pour l'école hôtelière, Noroto pour l'école de mécanique, le groupe ESSEC pour notre école de commerce. Aujourd'hui, ce sont 6400 enfants pris en charge dans les différents programmes, dont 1500 en formation professionnelle. Tous savent la valeur de l'école et travaillent avec enthousiasme. Et près de 100% des diplômés trouvent un bon travail dans les entreprises cambodgiennes qui apprécient la qualité de nos formations. Ce sont ainsi 3700 jeunes qui sont déjà bien insérés dans la société. Avec tous, par l'ensemble de ces programmes, nous avons construit une magnifique machine à détruire la misère, reconnue par les autorités cambodgiennes, par la France, qui a décerné à l'association le prix des droits de l'homme, par l'ONU même, dont les directeurs du PAM l'a cité comme un exemple mondial. Mais c'est loin d'être fini, il y a encore tant à faire, tant de nouveaux défis à relever, tant d'enfants en détresse qui nous attendent. Faisons en sorte que le maximum puisse profiter de cette belle machine. Voilà, c'était donc la bande-son d'une vidéo de présentation de l'association Pour un sourire d'enfant. La voix que vous avez entendue, c'est celle de son fondateur, Christian Despaillères, décédé en 2016, mais dont l'épouse, Marie-France, continue depuis 28 ans le combat pour faire vivre cette association née, je le rappelle, au Cambodge, en 1995-96. Voilà, à quelques mois près, de toute façon, on est dans ces années-là, et dont le but est d'aider les enfants pauvres en proposant des programmes d'éducation et une prise en charge globale de leurs besoins afin qu'ils accèdent à un emploi durable. Alors, Jean-Luc Epia, juste avant de parler du contenu de ces spectacles, ma première question, c'est pourquoi cet investissement dans cette cause humanitaire ? Pourquoi cette association plutôt qu'une autre ? Pia ? Eh bien, nous l'avons rencontrée, cette association, grâce à notre famille. On avait des parents qui étaient investis et on a vu déjà à l'époque une cassette sur cette association. Et nous avons été émerveillés qu'un couple, on pourrait presque dire monsieur et madame tout le monde, qui sont à Phnom Penh, lui fait de la formation, emmené par un enfant qu'il rencontre dans la ville de Phnom Penh, les emmène sur la décharge. Il voit l'horreur de ces enfants qui marchent au milieu, des seringues, des détritus. Certains vont être écrasés par les bennes qui viennent. Ils et qui mangent aussi, hein, qui se nourrissent dedans. De choses. Et donc ce couple va être bouleversé et va demander aux enfants ce qu'ils veulent. Et ces enfants demandent un repas par jour et d'aller à l'école. Et maintenant, il y a 6000 enfants qui ont appris un métier depuis la fondation de l'association. 6000 actuellement en formation, parce que le génie aussi de ce couple, c'est de se dire « Ok, l'école, mais après l'école, s'ils n'ont pas de métier. » Et donc, ils vont créer 20 filières professionnelles. Et donc voilà, nous avons été émus par cette réalisation magnifique et nous y sommes allés parce que nous avons une fille qui a travaillé là-bas comme psychomotricienne. Donc nous sommes allés les rencontrer et notre engagement a augmenté aussi à partir de ce moment-là. Voilà. Un voyage au Cambodge pour vous, pour aller voir la réalité des choses sur place. Jean-Luc, quelques mots sur cette aventure. Ben voilà, notre fille y a passé 8 mois, elle, à travailler auprès d'enfants eux-mêmes qui avaient un gros retard, donc qui avaient été pris à partir de la décharge et qui n'étaient pas tout à fait en situation d'apprendre un métier, mais juste d'essayer de trouver les ressources de vie et de force de vie. Et l'association leur donne beaucoup cette ressource de force de vie, là, voilà. On a été évidemment très, très touchés. Et puis, ça doit être 1 ou 2 ans après le retour de notre fille, elle nous a appris que Marie-France Despalières préparait donc sa tournée en France et que Amboise serait peut-être une ville possible et qu'est-ce qu'on pourrait, etc. Et c'est comme ça que ça fait quoi, 7-8 ans à peu près 2018, mm-hmm. Que nous étions venus ici déjà avec la présidente de l'époque pour annoncer la présence de Marie-France qu'on a accueillie à Amboise. À la salle Francis Poulenc avec 150 participants. Les Amboisiens ont très très bien répondu. Ouais, très bien. On espère qu'ils vont répondre et venir chez nous. Alors ça, c'était à la salle Francis Poulenc. Maintenant, c'est chez nous. Et voilà, il y a eu un mouvement formidable des Amboisiens. Mm-hmm. Il y en a certains qui sont devenus parrains, qui œuvrent avec nous aussi. Mmh. Alors, vous parliez de 6000 jeunes Cambodgiens actuellement en formation, mais depuis la création. Il y en a actuellement 6000 en formation. D'accord. Et il y en a 6000 qui ont appris un métier, sont sortis de la misère et qui ont un métier. Qui ont déjà leur métier, etc. Voilà. Donc, vous accueillez 2 spectacles les 28 et 29 septembre chez vous, rue du Vaux-de-Bonin, à Amboise. Ce n'est pas la première fois que le public est invité à rentrer chez vous. Et oui, on aime bien accueillir des événements chez nous et l'objectif est d'accueillir des artistes, des spectacles qui ont envie de se produire, qui eux doivent vivre aussi. Et donc, nous prospectons pour avoir un public. Mmh. Et cette compagnie donne une partie du prix des places aux enfants de PSE. Et cette compagnie aussi, grâce à ce spectacle, peut vivre. Et nous aimons bien ces échanges, c'est-à-dire que les enfants de Phnom Penh contribuent eux-mêmes à la convivialité à Amboise, contribuent aussi au fait que ces compagnies puissent se produire et contribuent au fait que des gens puissent voir ces spectacles. Ce spectacle, on le conçoit là comme un voyage théâtral, c'est-à-dire qu'on va voyager avec Blaise Sandrars à New York et en Russie, et on va voyager avec les contes africains en Afrique. Et donc Blaise Sandrars, c'est plutôt pour les adultes, et les contes africains le lendemain, c'est tout public et c'est un spectacle merveilleux, interactif, où tout le monde répond, joue avec les artistes. Sabine Dalluin qui a créé cette compagnie, Les Toupies, en 95 justement. Date de création de l'association Pour un sourire d'enfant. Exactement. Anecdotique, mais à souligner, effectivement. Tout à fait. Eh bien, un grand merci, Pia et Jean-Luc Fauconnier, d'être venus aujourd'hui nous présenter les 2 rendez-vous pour lesquels vous invitez le public dans cette grande grange que vous avez aménagée à votre domicile au 12 rue du Vaux-de-Bonin. Prenons note, le samedi 28, il s'agira d'un voyage musical sur les poèmes qui seront incarnés par la comédienne Sabine Dalluin, accompagnée du comédien et pianiste Frédéric Terry. L'intitulé de ce spectacle, c'est Blaise Sandrars, des Pâques au Transsibérien, une articulation de 2 œuvres de cet auteur emblématique du XXe siècle qui sont Les Pâques à New York et La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Tout à fait. Le tarif pour ce spectacle sera de 12 euros. Et puis ensuite, toujours avec la compagnie des Toupies, le dimanche 29 septembre à 15h, ce sera le spectacle Angali Galitra, Conte d'Afrique noire. On y retrouve de nouveau la comédienne Sabine Dalluin qui sera cette fois accompagnée d'un autre musicien de référence en la personne de Didier Moreira à la guitare et aux percussions. Un spectacle qui s'annonce coloré et participatif. Exactement. Si vous voulez encore plus d'informations sur ces événements, vous les retrouverez sur la page Facebook de Radioactive où ce podcast sera réécoutable et accompagné du programme avec des QR codes pour visualiser ce qui vous attend. C'est très bien fait sur l'affiche. Je rappelle, et c'est le cœur même de cette initiative, que les fonds récoltés lors de ces 2 spectacles seront reversés à l'association Pour un sourire d'enfant en soutien à l'éducation et et la formation des enfants de Phnom Penh au Cambodge. On vous invite vivement à regarder la vidéo de présentation d'ailleurs de cette organisation qui fait un travail considérable. Bravo Pia et Jean-Luc Fauconnier pour votre investissement. On espère que vous accueillerez un large public pour ces deux spectacles. Et je vous propose qu'on se quitte en musique avec Michael Jackson et Heal the World, Guérir le monde. Est-ce que ça vous va? Ça nous va tout à fait, oui. C'est parti. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, for giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, always growing. This world is heaven.